الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc dans le dernier ders on avait pris deux hadiths عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال. On avait pris le hadith que Allah عز وجل a maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Puis le hadith d'Abu Huraira dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma anzala Allahu da'an illa anzala shifa'a » que Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il n'apporte avec le remède. Avec l'explication qu'il s'en rapporte. Maintenant, on va prendre deux nouveaux hadiths, biznillah. الحديث الخامس وستين و السادس وستين سوسن و سوسن سانكيم و سوسن سيزيم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليلتفل ثلاثة وليحدث بها أحدا فإنها لن تدره. متفق عليه. Dans ce hadith, le Nabi صلى الله عليه وسلم il informe que le songe, c'est-à-dire le rêve, la vision pieuse dans la nuit, lors du sommeil, provient d'Allah عز وجل. Quant au cauchemar, lui, il provient de Shaitan. Si l'un d'entre vous voit une chose qu'il aime, c'est-à-dire en songe, en rêve, qu'il n'en parle qu'aux gens qu'il aime. Et si jamais il voit ce qu'il déteste, alors qu'il recherche refuge auprès d'Allah, du mal de cette vision, ce songe, et c'est-à-dire quand il se réveille, qu'il crachote trois fois. Et qu'il n'en parle à personne. Et que celle-ci ne le nuira en rien. Muttafaqun alayh. Yaqul, akhbara sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-hadith anna ru'ya saliha min Allah, ay as-salima min takhlit ash-shaytan wa tashwihih. Dans ce hadith, on apprend que le rêve pieux, si on peut dire comme ça, dans les choses où on voit des choses correctes, prouvé d'Allah Azawajal. C'est le rêve qui n'a pas été, lui, entaché par un tashwih de Shaitan. C'est-à-dire que Shaitan est venu et donner une part en l'enlaidissant. Car il faut savoir que les rêves, comme les ont classés les ulama, ru'ya thalath aqsam. De trois sortes. Il y a le rêve qui vient d'Allah Azawajal, celui dont on vient de parler là. Et celle-ci, c'est une branche de la prophétie en fait. Vous voyez, une branche de la prophétie. L'auteur va en parler. Il y a le rêve qui provient de l'âme, c'est-à-dire qu'une personne, elle a pensé une chose. Elle est tellement préoccupée par une chose ou a pensé à une chose tellement fort qu'elle l'a vue en rêve. Ça c'est tahdis al-nafs, ça s'appelle, lorsque ton âme te parle. Ça ce n'est lié ni à Allah, ni au troisième qui est le cauchemar qui provient de Shaitan. Donc ce n'est pas tout rêve que l'on voit qui provient d'Allah Azawajal. Il dit وذلك لأن الإنسان إذا نام خرجت روحه وصل لها بعض التجرد الذي يتهيأ به الكثير من العلوم والمعارف. Parce que l'âme, lorsque la personne dort, en fait son âme elle sort. D'ailleurs on fait un dua avant de dormir, dans lequel on demande à l'Azawajal que si jamais il prend notre âme et que si jamais il la garde alors qu'il nous fasse sous miséricorde, c'est-à-dire s'il garde notre âme, c'est-à-dire le fait qu'on meurt dans le sommeil, qu'Allah nous fasse miséricorde. Et si jamais qu'il la renvoie, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla fait que cette âme nous revienne, alors qu'il la préserve, tout comme l'a préservé ses serviteurs droits. Donc le sommeil, c'est Akhul Maut, c'est le Yantusama bil Wafat Asughra, c'est la petite mort en fait. Donc cette âme sort de nous. Et de là, cette âme est exposée à différentes choses lors de ce sommeil. Que Allah Azza wa Jal peut lui inspirer, dont cette vision, ce songe. Il peut, par ce rêve, enseigner des choses que la personne ignorait. Il peut lui rappeler des choses que la personne, dont la personne était insouciante, inattentive. Il peut également mettre en évidence des choses qui serviront à la personne. Ou l'inciter à œuvrer dans certaines choses. Ou l'avertir de choses qui pourraient lui nuire dans le bas monde et dans l'au-delà. Des choses à laquelle la personne ne pense pas. Tout ça à travers un rêve. À travers un rêve. Tout comme également, il se peut que ce rêve, ça c'était à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, maintenant c'est fini, puisse être une cause de connaissance de certaines choses liées à la législation. Masalan, ce fut le cas de Abdullah ibn Zayd et Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui ont vu par exemple Abdullah ibn Zayd, il a vu l'azan, comment faire l'azan en rêve. Les termes que l'on dit dans l'azan, ils ont été révélés à travers le rêve d'un sahabi. Ce sahabi l'a raconté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit que le rêve qu'il a fait, ça venait d'Allah azza wa jal, et que c'était l'azan. Et de là, l'azan a été décrété comme devant être fait de la sorte, via un rêve. Ce rêve également peut être pour avertir d'une chose et s'y préparer. Comme ce fut le cas, mathalan, du roi dans l'histoire de Youssouf, alayhissalam, qui a fait le rêve avec les 7 vaches. Ce rêve-là, c'était un rêve qui était venu pour être interprété par un connaisseur qui était Youssouf, alayhissalam, et pour justement avertir les gens d'une chose qui allait se produire, qui était la sécheresse, afin que les gens puissent être préparés. Il y a kazalik le rêve que Allah Azza wa Jal a fait au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fi qawlihi, لقد سلك الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. Que Allah a dit vrai, a été véridique avec son messager par le rêve de vérité, en informant que vous allez rentrer dans le masjid al-Haram en étant en sécurité. C'est un rêve que Allah Azzawajal avait donné au Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour l'avertir que lui et les croyants allaient faire leur Umrah en toute sécurité. Et ça c'était quand? Avant le pacte d'Al-Hudaybiyah. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait averti les Sahaba qu'ils allaient partir faire la Umrah. Et de là les Quraishites sont venus. Mais malheureusement, ils ont fait un accord avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour une conciliation et un bien dans le futur, en leur disant que vous ferez la Umrah l'année prochaine. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et de là, les Sahaba, certains ont interrogé, dont Omar, mais le prophète n'avait-il pas promis qu'on allait faire la Umrah? Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ainsi qu'Abu Bakr, oui, mais il n'a pas dit que vous allez la faire cette année. Il a dit que vous allez la faire, cette Umrah, vous allez l'accomplir. Mais il n'a pas dit quand. En réalité. Aussi, il y a le rêve qui est venu pour préserver le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Fiqullah azza wa jal, iz yurikahumullahu fi manamika qalila, wa law arakum kathira, la fashaltum, wa la tanazartum fil amr, walakinallahu sallam innahu alimun bizati sudur. Parce que dans le sens où Allah dit, lorsque Allah vous a montré en rêve que vos ennemis étaient peu nombreux, et que si jamais ils avaient montré la multitude de vos ennemis, vous auriez échoué et vous auriez divergé. Cependant, l'affaire appartient à Allah Azzawajal et il préserve. Il est certes omnipotent, pas fait pour ton connaisseur de ce que renferment les poitrines. Donc ce rêve est venu justement pour rassurer les croyants qui ignorent certaines choses qui auraient pu leur porter préjudice. S'ils avaient su combien étaient les... Ça c'était pendant Badr, lorsque les croyants étaient très nombreux et que les koufars étaient très nombreux. Si les croyants avaient su que les koufars étaient très nombreux, peut-être qu'ils n'auraient pas eu ce courage d'affronter. Mais dans le rêve, Allah Azzawajal a montré au Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les Quraishites étaient peu nombreux. Donc cela les a motivés à les affronter. Donc ce rêve est venu en fait pour les protéger. Le rêve, en fait, il est vu d'une façon qui varie en fonction du rêveur. Des fois un rêve, il est vu de façon claire. Et des fois, il est vu de façon qui doit être interprétée. Et des fois, deux mêmes personnes peuvent même faire le même rêve et que ce rêve peut avoir des significations différentes par rapport à eux. Il fut rapporté chez les anciens que deux hommes avaient vu qu'ils faisaient la zane. Chacun faisait la zane. Ils sont partis voir un mufassir, quelqu'un qui connaît l'interprétation des rêves. Et il a dit à l'un d'entre eux, « Toi, tu vas voler et tu vas te faire couper la main. » Et l'autre, il a dit, « Toi, tu vas faire le hajj. » Car dans Surat al-Hajj, dans le Coran, Allah a dit, « Azanun min Allah wa rasoulihi ilal nas yom al-hajj al-akbar. Anna Allah bari'un min al-mushrikin wa rasuluhu. » Dans ce verset, Allah a dit, qu'en fait, c'est une proclamation d'Allah. Et dans le verset, c'est Adhan. C'est comme un appel. Appel d'Allah et de son messager pour avertir les gens que Allah est innocent et se désavoue des mushrikin, ainsi que son messager. Et cette proclamation a eu lieu lors du Hajj. Donc, pour l'un des deux, c'était une annonce pour le Hajj. Et l'autre, dans le surat Yusuf, فَذَّنَ مُوَزِنُونَ أَيَّتُوا الْعِرِ إِنَّكُمْ لَسَادِقُونَ, dans le sens où Allah a dit que un homme a appelé, c'est-à-dire lorsque les frères de Yusuf ont eu leurs montures qui ont été préparées pour repartir, et que Yusuf avait fait mettre le verre du roi dans la monture de son petit frère afin qu'il soit saisi en otage, d'accord, comme il avait fait son stratagème Yusuf pour pouvoir ramener ses frères et leur père vers eux. Donc il avait fait quoi? Il avait fait un plan pour pouvoir garder son petit frère auprès de lui. Et le shahid, c'est que dans le verset, Allah Azzawajal, il dit que فَأَذَنَ مُوَذِنُونَ, qu'un appeleur a appelé pour dire « Oh vous, les gens de la caravane, vous êtes des voleurs. » Et là, donc, c'est le mot « Azan » qui est venu également. Donc il a été dit à cet homme, le deuxième, que dans son rêve, que le mot « Azan », là, lui, il avait vu qu'il faisait l'Azan dans son rêve, que cet Azan, en fait, c'était un signe pour avertir que cet homme allait voler et qu'il allait se faire couper la main. Donc, deux personnes peuvent faire un rêve similaire et avoir tous les deux des interprétations différentes. En fonction de qui ils sont. Une personne qui est droite et une personne qui ne l'est pas. Et cette interprétation des rêves n'est pas donnée à tout le monde. Déjà, c'est des règles à connaître et également, c'est un tawfiq d'Allah Azzawajal qu'il accorde à qui il veut. Ce n'est pas tout le monde qui est en mesure d'interpréter les rêves. Ensuite, concernant les cauchemars, قال وأما الحلم الذي هو أدعاث أحلام فإنما هو من تخبيط الشيطان روح الإنسان وتشويه عليها وإفراغها وجلب الأمور التي تكسبها الهم والغم أو تجب لها الفرح والمرح والبطر أو تزعجها لشر والفساد والحرص والذار. Donc ce cauchemar, c'est qui provient de Shaitan afin de déranger la personne. D'accord, dans son sommeil. Que la personne se réveille et qu'elle n'est pas bien, angoissée, dans la peur dérangée. Et la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là? Elle doit chercher refuge auprès d'Allah et crachoter 3 fois à droite ou alors 3 fois à gauche. Et elle se rendort et ce rêve, ou plutôt ce cauchemar, ne lui nuira en rien. Et que ce cauchemar, elle ne doit en parler à personne. Des fois, on fait des rêves. D'ailleurs, justement, c'est qu'il y avait un homme qui disait, qu'il avait dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est vu la tête coupée et jouant avec sa propre tête. Et c'est là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit que ça vient de Shaitan, n'en parle à personne. Et c'est là qu'il lui a enseigné de crachoter 3 fois à droite lorsqu'il voyait cela. Donc des fois, dans les rêves, on peut voir des choses incroyables, même qui nous écœurent. Cela n'a aucun sens. Et ne pas se dire que cela, mathalan, est un mal qui est en nous forcément ou quoi. Non. D'accord? Non. Des fois, des gens, ils font des rêves. Des gens, des fois, ils se l'arrivent même de voir qu'ils ont des rapports avec leurs parents, avec leurs sœurs, avec des choses qui sont interdites. D'ailleurs, cela ne veut pas dire que ce rêve annonce quelque chose. Et que la personne également se sente mal. Non. Ça, ça vient de Shaitan pour te mettre mal, que tu te sentes mal, justement. Et ce genre de rêve, il ne faut en parler à personne. D'accord? Il ne faut en parler à personne. Et ce hadith nous enseigne que le rêve, lui qui est agréable, qui est correct, il faut en parler aux gens qu'on aime. Et éviter d'en parler aux gens que l'on n'aime pas ou des gens qui pourraient nous nuire. Ce fut le cas de Youssouf. Lorsque Youssouf, il a vu en rêve, « Ya abati inni ra'aytu ahada ashala kawkaba wa shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Qala la ya bunayya la taksus ru'yaka ila ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana al-insana adun mubin. » Quand il a dit, oh mon père, j'ai vu 11 astres ainsi que le soleil et la lune prosterner devant moi. Il a dit quoi son père Yaqub? Il a dit, oh mon fils, ne raconte pas ton rêve à tes frères. Car Shaitan, car il pourrait justement agir en complotant contre toi et que Shaitan est un ennemi. Donc il y a des gens, lorsqu'on fait certains rêves, il ne faut pas les en informer. Car cela pourrait susciter chez eux une jalousie. Ou autre. Ou si tu vois quelqu'un en rêve qui fait une chose mauvaise, une personne que tu connais, ne va pas lui dire. Par contre, s'il y a quelqu'un que tu aimes, que tu vois en rêve, et qui fait un bien ou qui a une bonne chose, va lui dire. C'est une bonne annonce. Et ça lui fera plaisir. D'accord? Et les personnes qui sont en mesure de pouvoir demander l'interprétation des rêves, qu'ils le fassent. C'est une sunna également que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà interrogé ses compagnons sur les rêves. Qui d'entre vous a vu un rêve cette nuit? Et des fois même, ils pouvaient être amenés à interroger les compagnons. Que pense-t-il du rêve de un tel? Une fois, il a interrogé Abu Bakr sur un homme qui a fait un rêve. Et Abu Bakr a donné son interprétation. Et il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a eu. Il a dit juste sur une partie et qu'il a vu faux sur l'autre partie. Mais il faut faire attention. Et un rêve, également, on n'en bâtit pas un jugement légiféré aujourd'hui. Que la révélation est finie. Par exemple, t'as des gens, ils prétendent qu'ils ont vu en rêve, qu'ils vont faire... ils vont dire, oui, en rêve, j'ai vu que je devais faire une salade de 6 rakat ou je ne sais quoi. Non, ça n'existe pas, ça. Il n'y a plus de législation qui vienne. Ça, vous allez trouver ça chez les soufis ou les gens de l'égarement, qui inventent des règles, car ils ont vu des choses en rêve d'après eux. Et ça, c'est Shaitan qui joue avec eux. Si jamais leur rêve, il est vrai. D'accord? Et également, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui l'aura vu en rêve, c'est comme s'il avait vu en réalité, car Shaitan ne prend pas l'apparence du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'agit de sa vision à lui, parce que des fois des gens ils voient en rêve quelqu'un qui s'imagine être le prophète alors que ce n'est pas lui. Alors que ce n'est pas lui. On fera aussi également attention à cela. Et aussi prendre en compte le rêve qui est hadith al-nafs, lorsque les gens font des rêves qui sont liés à des soucis ou des choses qu'ils pensent très fort, qui leur tiennent à cœur, ils le voient en rêve. Et donc ce rêve-là n'est peut-être pas à prendre en compte. Même il n'est pas à prendre en compte. Il n'est pas à prendre en compte. Par contre, là, je suis à Tambi parce que c'est déjà arrivé que des gens m'écrivent et me demandent pour des rêves. J'ai dit, moi, je ne sais pas le faire et je n'ai pas de relation avec des gens qui savent le faire. Je connais des gens au Yémen qui le font. Quand je les vois, que j'ai besoin de leur demander, genre, là, j'ai pas de contact parce que des fois, on me demande un numéro de téléphone de quelqu'un qui interprète les rêves. Je dis, je n'ai pas cela. Et moi, je ne sais pas le faire. D'accord? Je ne sais pas le faire. Barakallahu fikoum. Et attention aussi aux gens qui se prétendent avoir ce savoir alors qu'ils ne l'ont pas. Et lorsque les gens interprètent des rêves, parmi ceux qui ont la connaissance, qu'ils fassent attention comment ils informent les choses aux gens. Par exemple, une fois, tu avais un homme qui avait fait un rêve, qui avait vu un rêve, et lorsqu'il est parti demander interprétation à l'homme, à l'expert, en fait, ce rêve annonçait que cet homme-là allait mourir prochainement. Donc l'autre, est-ce qu'il lui a dit « Oui, tu vas mourir, fais attention ». Non, il n'a pas dit ça. Parce que extrêmement, en disant cela, ça pourrait avoir des conséquences néfastes. Mais il a dit quoi ? Fais beaucoup d'istighfar. Istighfirullah, beaucoup, fais beaucoup de tawbah. D'accord ? Il lui a pas dit « Tu vas bientôt mourir ». Mais il lui a incité à faire des actes qui lui seraient profitables, vu que la mort allait lui parvenir. Et donc il lui a fait « Fais beaucoup d'istighfar, fais des tawbah », et ainsi de suite. D'accord ? Et de là, la personne concrètement est morte peu de temps après. Donc faut pas effrayer les gens. Pour ceux qui connaissent les rêves, ne pas dire les choses n'importe comment pour ne pas faire peur aux gens également. Mais essayer de la glisser de la meilleure façon. Tamam. Donc n'oubliez pas les rêves qui concernent certaines personnes. Il y a des gens à qui il ne faut pas en informer. Les gens qu'on n'aime pas ou des gens dont on craint un mal, on ne les informe pas de nos rêves. Après, ce n'est pas dans l'absolu, mais c'est meilleur. Car vous ne savez jamais concrètement qui vous veut du bien, qui vous veut du mal. Donc faites-le avec les gens que vous aimez, que vous connaissez bien, que vous avez confiance, que vous aimez, racontez-leur. Les autres, il n'a pas lieu d'étaler le rêve aux yeux de tous, dans une chose qui pourrait revenir comme étant un mal, sans même que l'on s'en rende compte. بعد ذلك نخوض الحديث السادس والستين 66e حديث عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه مالك وأحمد ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة والترمذي عنهما qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم il a été apporté qu'il aurait dit min husn. Le husn ici, c'est la bonne chose qui est le bon islam de la personne, qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. C'est-à-dire que la personne de bonne religion est censée délaisser ce qui ne la regarde pas. Taïb. Ce hadith, il faut savoir une chose, même vous allez le trouver dans les 40 hadiths d'Al-Nawawi, et ce hadith en réalité, il est mursal. C'est-à-dire, ce n'est pas une parole du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que c'est une parole qui est rapportée à Abu Huraira seulement. Et d'autres disent que c'est une parole qui est rapportée à un tabiri, qui l'a rapportée, et qui ne provient pas du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Mais quoi qu'il en soit, ce hadith, il se base sur des fondements qui sont authentiques, qui sont vrais. Que la personne, d'accord, de bon comportement et de droiture, ne rentre pas dans ce qui ne la concerne pas. Yusama hada bil fuzul en arabe. Voyez, c'est la curiosité qui est réprimandable. La personne ne va pas dans ce qui ne la concerne pas, ne dit pas ce qui ne lui revient pas de dire, et ne se mêle pas dans ce qui ne la concerne pas. Et on dit bien dans ce qui ne la concerne pas. Et cela n'empêche pas d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable et de prodiguer le conseil. Parce qu'il y a des gens, ce qu'on les conseille, on dit ça ne te regarde pas. On dit, ça me regarde parce que je t'ai vu faire ce mal. Et maintenant, comme j'ai vu un mal, alors je dois le changer soit par ma main, soit par ma langue, ou soit par mon cœur. Donc maintenant, ce mal que tu l'as fait, je l'ai vu, ou j'en suis au courant. Et c'est un mal qui te nuit à toi, qui nuit à d'autres, donc je te conseille. Donc ne pas dire, ça ne te regarde pas, et prendre ce hadith comme preuve. Là, ça rentre pas dans ce web-là. Là, on parle de choses qui, en réalité, qui sont liées à l'intimité, ou dans d'autres domaines, par exemple, une personne qui rentre dans une question qui ne concerne pas. Il n'a pas le niveau, il rentre dedans. Comme par exemple, c'est le cas qu'on voit des gens qui, sur les réseaux sociaux, parlent de sujets qui ne les concernent pas, qui ne sont pas de leur niveau. Ou ils parlent de choses qui ne leur servent à rien et qui n'apportent rien aux gens. Par exemple, il y a des sujets qui se déroulent dans l'actualité et des gens disent, par exemple, je vais réagir à ce sujet, mais t'es qui, toi, pour réagir ? Qui tu es ? Est-ce que tu es un savant ? Est-ce que tu es un margère pour la Oma ? Non, alors, on n'a pas besoin de ta réaction. Tu veux réagir en privé avec tes amis, bon, fais-le. Mais faire des spaces sur Twitter ou sur des lives sur YouTube ou faire des discussions, des débats télévisés, bon, mec, c'est interdit ou quoi. T'es qui, toi, pour que les gens viennent t'écouter? Tu n'es personne. Donc, ne cesse de perdre ton temps et de faire des annonces et de faire des paroles en public qui ne te concernent pas. D'accord? Chaque chose, chaque sujet, ils ont des gens qui leur reviennent. T'as des sujets qui sont généraux, que les gens peuvent aborder, et d'autres qui sont liés à la Ummah, et qui reviennent aux gens de science, et aux gens qui ont du ilm, et aux savants, et aux prédicateurs, et aux enseignants, ce genre de choses. D'accord? Ce n'est pas tout le monde qui a son mot à dire en toute chose. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parmi les signes de la fin des temps, yatakallam al-ruwa'i bidha. Wa qalu mal al-ruwa'i bidha, qala alladhi yatakallam fi umur 'amat al-muslimin. À la fin des temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y aura, qu'on fera confiance aux traîtres, et que l'on se méfiera de l'homme de confiance, et que l'on démentira le véridique, d'accord, et que on croira le menteur. Et il a dit également, le roi Ibida se mettra à parler. Ils ont dit, c'est qui le roi Ibida? Il a dit, c'est le faible d'esprit, les cervelés qui parlent des choses des muslimines, des choses générales des muslimines, des choses qui ne le concernent pas, et dont il n'a pas le niveau. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, beaucoup font cela. Ils parlent, ils discutent, ils débattent sur des choses qui ne les concernent pas. Et même si ça concerne la Ummah, on dit que eux en eux-mêmes, ces sujets-là ne leur reviennent pas, on n'a pas à revenir vers eux pour l'écouter et savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire, quel est leur avis. Non. Donc, faire attention à cela. Donc, concernant cette parole attribuée au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui en réalité n'est pas un hadith, eh ben, cette personne-là, ça veut dire que son islam, il est défaillant. Ceux qui agissent de la sorte, leur islam est défaillant. On n'a pas à s'exprimer sur toute chose et réagir sur toute chose. Donc, Yaqul, فَمَنْ قَامَ بِالْإِسْلَامِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهُوَ الْمُحْسِنُ. Celui qui applique l'islam intérieurement, extérieurement, c'est lui le muhsin. C'est-à-dire qu'il y a un husn dans sa religion. وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَّهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et qui donc est de meilleure religion que celui qui s'est soumis à Allah Azza wa Jalla en étant sincère, en étant bienfaisant et excellent, et qui aura suivi la religion d'Ibrahim, la religion du Tawhid pur. Surat al-Nisa, verset 125. فَيَشْتَغِلْ هَذَا الْمُحْسِنِ بِمَا يَعْنِهِ مِنْ وَاجِبَاتِ وَمُسْتَحَبَّاتِ وَأُمُورِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي يَحْتَاجُهَا. Donc le Mursin, le bienfaisant en religion, s'occupe des choses qui le concernent. C'est-à-dire qu'il s'occupe de lui-même en premier lieu, des choses qui lui sont profitables, comme ses obligations, comme les choses surrogatoires, et les choses qui lui sont préférables dans son bas monde et dans l'au-delà, des choses dont il a besoin. Il s'occupe de cela. Et ce qui ne lui sert à rien et qui ne le concerne pas, il ne s'en occupe pas. Et encore plus, à tarkuhu min al-ma'asi wa sayyi'at mimma yanbaghi lahu tark kal-makruhat wa fudul al-mubahat allati la maslahata lahu fiha bal tufawwituhu 'alayhi al-khayr. C'est-à-dire qu'il va même jusqu'à délaisser, et même c'est obligatoire de délaisser les choses qui sont interdites, les mauvaises actions, et qui déteste les choses également qui sont détestables. Ou même le surplus de choses permises qui ne lui apportent aucun bien, voire même qui peuvent lui faire perdre un bien. Car ce n'est pas tout ce qui est permis qu'on peut faire. Des fois, il y a des choses qui sont permises, en les faisant, eh ben, elles nous empêchent de faire une chose qui est meilleure. On va perdre notre temps dans une chose qui ne nous sert à rien du tout, et au détriment de cela, on aurait pu faire quelque chose qui était meilleur. Quelqu'un va dire, mais c'est pas haram ce que j'ai fait. Non, c'est pas haram. Mais ça ne te sert à rien, et voire même ça t'a privé d'une chose qui est meilleure, en faisant telle et telle chose. D'accord? Donc celui qui s'occupe de ce qui le concerne, ce genre de choses, il les évite. Il évite ce genre de choses. Non. يقول ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه موسيء في إسلامه وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو نهي تحريم أو نهي كراهة. Donc de ce hadith, on comprend que celui justement qui n'a pas délaissé ce qui ne concerne pas, alors lui, il n'est pas bienfaisant dans sa religion, mais il est malfaisant, en fait, dans son islam. Et cela concerne toutes choses, qu'il soit des choses verbales, c'est-à-dire les paroles, qui parlent de paroles, qui prononcent des choses qui ne le concernent pas, ou qui commettent des actes, d'accord, qui sont interdits et qui ne le concernent pas, qui n'a pas à faire. Que ce soit des choses interdites, d'une interdiction, de tahrim, ou une chose qui est interdite, d'interdiction de détestation. Taïeb. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui par rapport à ces deux hadiths. Donc je vous rappelle que ce ders du vendredi à la base, c'est le mercredi qu'il aura lieu. Aujourd'hui, ça a été exceptionnel, enfin exceptionnel. Non, c'était là-bas, c'était le vendredi, mais mercredi dernier, je n'ai pas pu le faire. Donc pour ne pas que le ders nous échappe, je l'ai fait aujourd'hui. Mais de la semaine prochaine, le vendredi, il n'y aura pas ders des La Beauté des Cœurs. Ce ders d'aujourd'hui, du vendredi, en fait, il aura lieu le mercredi. À quelle heure? Ça, c'est le jour même que j'en informe. Car j'ai un programme des fois qui est assez aléatoire et imprévisible. Je ne peux pas vous dire, par exemple, je le ferai tous les jours à 15h. Des fois, j'ai à 15h des choses qui m'arrivent ici qui font que je ne suis pas disponible. Donc le jour même, je vous informe, le ders aura lieu à telle heure. Celui qui peut écouter, tant mieux pour lui. Celui qui ne peut pas, au moins, il aura l'enregistrement. Et écoutez plus tard. Écoutez plus tard. Non. Par contre, les doulous des Arba'in Nawawiyah, ils ont toujours lieu aux mêmes horaires, qui est entre le Maghrib et l'Isha. Par exemple, aujourd'hui, le ders, il aura lieu à 19h50, parce que le temps du Maghrib, comme vous le savez, il descend. Donc le temps d'aller faire salat au masjid, et après de me rendre au lieu du ders, ça fait qu'il sera 19h50 à peu près. Et chaque jour, ça descend. D'accord? Donc, restez sur le créneau que le ders du Nawawi, c'est le mardi, le vendredi et le samedi, on va dire à peu près une demi-heure après la salat. En gros. D'accord? Donc, tout à l'heure, Inch'Allah, on aura rendez-vous pour ce ders-là. Tamam, fanak tafibi dal kadr, fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.